يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، donc nous sommes toujours dans la série de cours d'explication du livre de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, qui est la description de la prière du prophète alayhi salam, et c'est une explication faite par Cheikh Mohamed ibn Omar Bazmoul hafidahullah ta'ala. Et on avait donc discuté la dernière fois, le dernier point dont on a discuté, c'était le fait de prier salat nafila, ou bien tatawu', c'est-à-dire la prière surrogatoire, sur une monture ou dans un véhicule. Et la dernière question qu'on s'était posée, c'était le fait de la prier, est-ce que c'était khas, c'est-à-dire spécifique au voyage, ou bien c'était en situation de résidence également. Et la réponse que Cheikh Bezmoul avait donnée, c'était que ce qui était apparent, c'est que c'est regroupé, ça englobait les deux. C'est-à-dire qu'on pouvait prier salat tatawu ou bien un nafila sur une monture ou dans un véhicule, que ce soit en voyage ou non, ou en situation de résidence, en état de résidence. Et j'avais dit qu'aujourd'hui, Inch'Allah, on allait voir les preuves là-dessus. On commence directement là-dessus. Donc c'est page 132 pour les frères et les sœurs qui ont la même édition que moi. عن عامر بن ربيعة قال رجع عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة والحديث أخرج البخاري في كتاب تقصير الصلاة باب ينزل المكتوبة ومسلم في كتاب الصلاة صلاة المسافرين وقصرها باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. Et un deuxième dalil qu'on va citer directement, traduire le tout ensemble après inchallah, il dit عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى راحلته فصلى حيثما توجهت به. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود واللفظ له، يعني أخرج أحمد في المسند واللفظ له، وأخرج أبو داود في كتاب الصلاة باب التطوع على الراحلة والوتر. والحديث حسن إسناده الألباني رحمه الله في صفات صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ومحقق زاد المعاد ونقل تصحيحه عن غير واحد. Donc la preuve, quelle est la preuve que sur l'autorisation de prier salat al-nafila sur une monture ou dans un véhicule, que ce soit dans le voyage ou en état de résidence, eh bien c'est un hadith d'après Amir ibn Rabi'a. Il dit, radiallahu anhu, j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prier sur sa monture. Il se prosternait et s'inclinait avec sa tête. Le verbe en arabe, c'est yumi'u bira'sihi. Et quand vous regardez dans les shuruhat, comme Ibn Hazar dans le Fath al-Bari, il explique al-ima' par le fait de faire le sujoud et le ruku' avec la tête. C'est-à-dire qu'on fait le sujoud, on se prosterne, on s'incline et on fait le recours. Si on ne sait pas se prosterner et s'incliner sur la monture, mais on le fait avec la tête. D'accord ? Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se prosterner, s'incliner avec sa tête, et quelques directions qui aient pris sa monture. D'accord ? Et le hadith, il est rapporté par Al-Bukhari, numéro 1097, 1097, et Muslim, numéro 701. Deuxième dalil sur ce point-là, c'est d'après Anas ibn Malik, radiallahu anhu, il dit... Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voulait prier une prière surrogatoire sur sa monture, se dirigeait vers la Qibla et faisait le takbir pour la salah. Et puis, c'est-à-dire qu'il lâchait la monture, ça ne veut pas dire qu'il n'était plus dessus, mais il lâchait le mort. Il a laissé aller sa monture, puis prier quelle que soit la direction prise par la monture. Et le hadith, il est rapporté par Ahmed dans Al-Musnad, volume 3, page 203. Et la formulation est la sienne, c'est pour ça qu'il a dit Wallafdullah. Et rapporté aussi par Abu Daoud dans Sunan, numéro 1225. Et ce hadith, il a été jugé Hassan par Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, dans la description de la prière du prophète, page 55. Et c'est évidemment le livre qu'on est en train d'étudier ensemble ici. Et les deux chouyours qui ont fait le tahqiq Zad al-Ma'ad, volume 1, page 476, et ils ont rapporté son authenticité, alaykoum salam. son authenticité de plusieurs personnes. Cheikh Bazmoul Hafidallah, il continue et il dit قلت وذكر السفر في الحديث عند بعض أهل العلم ليس على سبيل القيد بل على سبيل حكاية الواقع فلا مفهوم مخالفة له ولعل حديث أنس يؤكد ذلك إذ ظاهره جواز التطوع على الراحلة مطلقا في السفر والحضر وهذا محكي عن أنس بن مالك وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة وأبي سعيد الاسترخي أو الاسترخي من الشافعية ومن وافقهم انظر شرح نووي على صحيح مسلم وفتح الباري والله أعلم. Donc qu'est-ce que nous dit Cheikh Bazmoul ici sur ce point-là? Il dit حفظه الله تعالى. Je dis, c'est-à-dire Cheikh Bazmoul, le fait que certains parmi les gens de science aient cité le voyage dans le hadith n'est pas une condition mais une description de la réalité de la situation, ce qu'il appelle حكاية الواقع. Hein? Il n'y a pas de ce qu'on appelle mafhoum al-mukhalafa. Et je vous avais déjà expliqué ce que était le mafhoum al-mukhalafa, qu'on avait parlé du verset dans un de nos cours précédents de sourate al-hujurat, ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Dans une autre qira'a fatathabbatu. On avait dit que Shinqiti rahimahullah dans son tafsir, il avait dit que mafhoum al-mukhalafa, Ce qui est le contraire implique, si vous voulez, ou ce qu'on comprend par son contraire, c'est qu'on vérifie l'information du fasiq, mais que l'information du thiqa, on ne la vérifie pas. On appelle ça mafhoum al-mukhalafa. Comme le verset, il nous ordonne de vérifier l'information d'un pervers, eh bien, en même temps, ça nous indique quoi? Qu'on prend l'information de quelqu'un de thiqa. C'est ce qu'on appelle mafhoum al-mukhalafa. D'accord? Et ici, Cheikh, il dit qu'il n'y a pas de mafhoum al-mukhalafa ici. Et moi, ce que j'ai compris, wallah alam, ce qu'il faut comprendre ici, c'est, il ne faut pas comprendre ici qu'on n'est pas si on n'est pas en voyage, on ne peut pas prélasser surrogatoire. C'est tout simplement ça qu'il veut dire le cheikh ici. D'accord? Sur une monture. Il dit, et peut-être que le hadith de Anas renforce cela, Anas ibn Malik. Car ce qui est apparent dans ce hadith, le hadith de Anas, c'est l'autorisation de prier la surrogatoire sur une monture, que ce soit lors d'un voyage ou en résidence. D'accord? Et c'est ce qui est rapporté de Anas ibn Malik justement et de Abu Yusuf. Qui est Abu Yusuf? C'est Sahib Abi Hanifa, c'est le compagnon d'Abu Hanifa, rahimahumullah jami'an. Et de Abu Sa'id al-Istakhri, je ne sais pas si je prononce correctement, parmi les ulama de Shafi'iyah et ceux qui sont d'accord avec eux. Et Cheikh, il renvoie à des sources, il dit, voir l'explication de Sahih Muslim de l'imam Nawawi, rahimahullah, tome 5, page 211, et Fath al-Bari, tome 2, page 575-575, et il dit « Wallahu a'lam ». Et on continue dans le maître maintenant, directement dans Sifat Salah. « Wa fi dhalika » parce qu'on parle toujours d'istiqbal qibla évidemment. « Wa fi dhalika nazala qawluhu ta'ala fa'innama tuwallu fa'thamma wajhullah » Surat al-Baqarah. Donc, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit « et à ce sujet fut révélé le verset dont la traduction du sens est, si vous voulez, où que vous vous tourniez, la face d'Allah est donc là. » Surat al-Baqarah, je vous donne la référence, verset 115, d'accord? Et Cheikh Bazmoul, il commente ce passage-là et il dit « يعني أن هذه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله يعني في صلاة النافلة على الدابة فإن المصلي له أن يستقبل القبلة ولا يضره أن لا يستقبلها له أن يستقبل القبلة في أي الصلاة في أول الصلاة عفوا وله أن يبدأ الصلاة بغير استقبال القبلة فيصلي حيثما توجهت به دابته فثم وجه الله فأينما تولوا فثم وجه الله وقد جاء في ذلك حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهم جميعا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه قال وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله والحديث أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر. Alors qu'est-ce que nous a rapporté dans ce point ici? Mais Cheikh Bazmoul l'explique en disant, c'est-à-dire que ce verset, dont la traduction est « Où que vous trouviez la face d'Allah est donc là », c'est-à-dire lors de la prière surrogatoire sur la monture. Le prieur, c'est-à-dire celui qui est en état de prière, peut se diriger vers la Qibla, et le fait qu'il ne se dirige pas vers elle ne lui fait pas de mal. D'accord ? Et il peut se diriger vers la Qibla au début de la prière. Hein ? Et il peut commencer la prière sans se diriger vers la Qibla. Il prie donc, quelle que soit la direction prise par sa monture. Hein ? La face d'Allah est donc là. Où que vous vous trouviez, la face d'Allah est donc là. Hein ? Et de ce sens, il y a le hadith de Saïd ibn Jubair, hein, de Abdullah ibn Omar, qu'Allah les agrée tous, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam priait alors qu'il se rendait de la Mecque à Médine, sur sa monture. Hein ? Quelle que soit la direction prise par sa monture, car la face d'Allah est donc là. À ce sujet a été révélé, où que vous vous trouviez, la face d'Allah est donc là. Et ce hadith est rapporté par Muslim, numéro 700. D'accord ? Et pour les frères, parce qu'on a beaucoup parlé de la Qibla et de toutes les situations, hein, Inch'Allah, vous inquiétez pas, à la fin du cours aujourd'hui, on va rapporter le résumé de Cheikh l'Albani, qu'il a fait justement dans son livre résumé de Sifat Salah, le petit que je vous avais montré une fois que je vous avais amené ici. C'est l'édition la plus résumée. Inch'Allah, donc on va reprendre tous les points. Si je me souviens bien, c'est en 5 points. Donc ça va juste essayer de vous concentrer. Inch'Allah, après on rapportera ça de manière plus synthétique en guise de résumé. Et Cheikh l'Albani continue son metn et il dit rahimahullah wa kana ahyanan idha arada an yatatawwa'a 'ala naqatihi istaqbala biha al-qiblat fa kabbara thumma salla hayth wajjahahu rikabuhu wa kana 'alayhi salatu wassalam yarka'u yasjudu 'ala rahilatihi ima'an bi ra'sihi wa yaj'alu as-sujuda akhfada min ar-ruku'. Donc qu'est-ce que nous dit Cheikh l'Albani rahimahullah? Il dit: et le messager d'Allah, de temps en temps, parfois, lorsqu'il voulait prier une prière surrogatoire sur sa chamelle, la dirigeait vers la Qibla, puis faisait le tekbir, puis priait quelle que soit la direction prise par sa monture. Et il se prosternait et s'inclinait sur sa monture, hein, comme on a dit, en faisant l'ima, hein, en inclinant sa tête. Hein, et il s'inclinait, il descendait plus pour la prosternation, pour le sujoud, que pour l'inclinaison. Hein? C'est-à-dire que quand il faisait le recours, il descendait, hein, avec sa tête, mais pour la prosternation, qu'est-ce qu'il faisait? Arfad, c'est quoi? Plus bas. Hein? Arfad, ani pour la prosternation. D'accord? Donc pour les gens qui sont sur Internet, qui ne me voient pas faire le geste, simplement qu'ils retiennent que la prosternation, on descend, plus, on incline plus la tête que pour le recours, pour l'inclinaison. D'accord? Et Cheikh Bezmoul, il nous commente ce passage et il dit, Hafidahullah ta'ala, يعني الإنسان إذا صلى وهو على الدابة وفي حكمها السيارة اليوم فإنه يومئ إيماء وهو يسوق وينظر أثناء القيادة إذا احتاج إلى حركة مقود السيارة الدريكسيون وإذا احتاج أن يحرك ويستخدم مؤشر اليمين أو اليسار هذه الحركة معفون عنها وهي تشبه الدابة لأن الإنسان يمكن أن يحرك دابته يمينا أو شمالا أو يتحرك برحله يمينا أو شمالا ونحو ذلك فهو إن كان على الدابة أو السيارة فيركع يسجد بالإيماء برأسه إلا أن يغلب على ظنه أنه يترتب على ذلك خطر فيمتنع عن ذلك أصلا لحديث لا ضرر ولا ضرار. Qu'est-ce que Cheikh, il s'est rejoint une parole qu'on avait déjà parlé, dont on avait, hein, déjà parlé la semaine passée, c'était sur le fait de prier dans la voiture. Et Cheikh Bezmoul, il dit, c'est-à-dire que l'individu, lorsqu'il prie sur sa monture, il fait une parenthèse, il dit, et aujourd'hui, la voiture prend le même hukm, prend le même jugement que la monture. Hein? Et il s'incline lorsqu'il conduit. D'accord ? Parce qu'on parle de l'inclinaison. Hein? L'ima. Et il regarde, lors de sa conduite, s'il a besoin de tourner le volant de direction. S'il a besoin de bouger et d'enclencher, hein, le signal de direction, le clignotant. Parce que quand on conduit et qu'on veut aller à droite ou à gauche, on est obligé de quoi? De faire? De bouger le clignotant. Donc ça implique de quoi? Des mouvements. Tourner le volant, hein, bouger le clignotant à droite ou à gauche, etc. Et Cheikh, il parle de ça. Il dit, hein, et d'enclencher le signal de direction, le clignotant à droite ou à gauche, eh bien, ce genre de mouvement est excusé. Ma'foun anhu. Hein, car il ressemble à la monture. Car l'individu peut bouger sa monture à droite ou à gauche. Hmm? Et s'il est donc sur sa monture ou dans sa voiture, il se prosterne et s'incline avec la tête. Il dit quoi? Attention, on avait déjà parlé de cette parenthèse-là, pas, hein, que ce soit pas mal compris qu'il y ait des accidents après. Hein, il dit, sauf s'il est presque sûr que cela peut le mettre en situation de danger. Hein? Alors il ne le fait pas, et c'est en raison du hadith, la darar wa la dirar. On avait déjà parlé de ça la dernière fois, d'accord? Et Cheikh l'Albani continue dans le matn, il dit « Wa kana idha arada an yusalli al-faridata nazala fastaqbala al-qiblata ». Et ça, c'est un point important aussi. Hein? Cheikh l'Albani, il dit « Rahimallah, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voulait prier la prière obligatoire, hein, c'est-à-dire quoi, une des cinq prières quotidiennes, le farida, ou bien le faraïd le pluriel, descendait de sa monture et se dirigeait vers la qibla. Hein? Et Cheikh Bazmoul, il commande cela et il dit « Hafidahullah ta'ala, istadala al-ulama bi hadha al-hadith » على أن الفرض لا تجوز صلاته على الدابة وأنه لا بد أن ينزل الإنسان من على دابته ويستقبل القبلة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وعلى هذا فإن جميع الصلوات التي صلىها الرسول صلى الله عليه وسلم على الدابة ليست بفرض. C'est un point comme assez important. Il dit Cheikh Bazmoul, les savants ont utilisé ce hadith comme preuve qu'on ne peut pas prier la prière farida, une des cinq prières quotidiennes, sur une monture. Et que l'individu se doit de descendre de sa monture et de se diriger vers la qibla. Car c'est ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait. En se basant sur cela, il y a une preuve sur quoi ? Eh bien, toutes les prières que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a priées sur la monture ne sont pas des faraïd. Pourquoi ? Parce qu'il descendait. Comment est-ce qu'on voit là-dessus ? Donc pour le faraïd, il descendait. Donc les prières qu'il priait sur sa monture, ce n'étaient pas des faraïd. Hein? Vous avez vu, ouais, je les dis de l'al, hein, avec ça. D'accord ? On continue. Et Cheikh l'Albani, il dit « Wa amma fi salat al-khawf al-shadid ». Et ça, c'est un point intéressant parce que peut-être certains frères n'ont jamais entendu parler de cette prière. C'est salat al-khawf, la prière de la peur. Hein? Et on va la rapporter, on va rapporter, inshallah, les différentes manières de la prier. Hein? Et en fonction de différentes situations de peur. Il dit وأما في صلاة الخوف الشديد فقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته أن يصلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. Hein? Donc qu'est-ce que nous dit Cheikh Al-Albani rahimahullah? Il dit et le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, hein, tandis que pour la prière de la grande peur الخوف الشديد, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a laissé comme sunna, sunna li ummatihi, à sa communauté de prier debout sur leurs pieds ou de prier sur leur monture en direction de la qibla ou pas. Hein? Et Cheikh Bazmoul, il commente cela, il dit rijalan, comme on a rapporté dans le hadith ici, rijalan qiyaman ala aqdamihim aw rukbana. Il dit quoi, qu'est-ce que ça veut dire rijalan? Et ça va devoir rappeler un mot en arabe que vous connaissez, c'est rijl, hein? Il dit ala aqdamihim, sur leurs pieds. Hein? Et donc Cheikh Bazmoul, il dit rijalan, c'est-à-dire sur leurs pieds, debout sur leurs pieds, rukbanan, sur leur monture ou dans leur voiture. Hein? On va peut-être lire en arabe, c'est peut-être intéressant pour les frères arabophones et pour améliorer notre langue arabe. Rijalan ya'ni ala aqdamihim, qiyaman ala aqdamihim, rukbana ya'ni yarkabun ala dawabihim ou sayyaratihim ou musaffahatihim ou dababatihim. Donc qu'est-ce que nous dit Cheikh Bazmoul ici, des rijalan, hein? C'est-à-dire sur leurs pieds, debout sur leurs pieds, qiyaman ala aqdamihim, rukbana, sur leur monture ou dans leur voiture ou dans leur véhicule blindé ou leur tank, hein? Dababat, il a dit, ou musaffahat, il a dit que ce soit en direction de la qibla ou pas. Hein? Et Cheikh l'Albani continue, il dit, rahimahullah ta'ala, وقال صلى الله عليه وسلم, إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس. Et Cheikh l'Albani, il dit, et le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, et s'ils sont engagés dans le combat, hein, ce n'est que le takbir et l'indication de la tête, l'ishara bil-ra's. Et Cheikh Bazmoul, il dit, hafidahullah ta'ala, اختلطوا, أي دخلوا في الجهاد والتحموا مع العدو في القتال فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس ولصلاة الخوف عدة صفات كل صفة بحسب حال القتال. الصفة الأولى أن يصلي المسلم الصلاة بالإيماء لا يركع ولا يسجد إلا إيماء. الصفة الثانية أن يصلي بالتكبير والإشارة فقط وهذه في حال الالتحام مع العدو. الصفة الثالثة أن يصلوا بالركوع والسجود هذه في حالة اصطفاف الصفوف أمام العدو بدون التحام وبدون مطر. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو. ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. وهذه الصفة جاءت في القرآن الكريم، قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. سورة النساء. فقد وردت في صلاة الخوف أكثر من صفة، وأهل الحديث يقولون بكل صفة وردت في صلاة الخوف صح فيها السند، فإن المسلم له أن يصليها بحسب الحال في الجهاد. Alors qu'est-ce que Cheikh Bazmoun nous dit ici? Il dit, حفظه الله, اختلطوا, comme l'a rapporté dans le hadith, c'est-à-dire qu'ils sont engagés, si les musulmans sont engagés dans le combat avec l'ennemi, alors ce n'est que le tekbir et l'indication de la tête. C'est ça le hadith. La prière de la peur, cette l'khawf, peut être priée de plusieurs manières. Chaque manière correspondant à une situation de combat. D'accord ? La première manière, c'est que le musulman ne prie qu'en inclinant la tête. Il ne se prosterne et ne s'incline, il fait le recours, il se joute qu'en inclinant la tête. D'accord ? Deuxième manière, c'est qu'ils ne prient que par le tekbir. Ils font le tekbir et après que par l'indication. Et ça, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle ishara, uniquement, et ceci en cas où ils sont engagés avec l'ennemi. Regardez, subhanallah. C'est un truc qui est devenu rentré directement. Même dans des situations comme ça, on ne délaisse pas la salah. Et ça, c'est une nasiha pour tous les gens qui ne prient pas. Regardez, shiddat al-hal, engagés avec l'ennemi, les uns dans les autres. Il faut toujours prier. Ça c'est une nasiha, et c'est une manière aussi de faire nasiha aux gens qu'on connaît qui ne prient pas, dire que même dans des situations telles que celle-là, la salah elle n'est pas délaissée. D'accord. Et donc il dit la troisième manière, c'est qu'il prie en se prosternant et en s'inclinant, c'est-à-dire avec le recours à le sujoud, ceci dans le cas où ils sont en rang devant l'ennemi, sans engagement. Le combat n'est pas engagé. Donc les rangs sont devant les rangs. Alors là, on peut faire le sujet des rukou'. Et s'il n'y a pas de pluie. D'accord ? Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prié, c'est quoi le dalil ? La prière de la peur avec l'une des deux parties des musulmans. C'est-à-dire qu'il y a deux groupes de musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est avec vous. Vous situez un peu, d'accord ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prie avec la première partie des musulmans une raka'a. Alors que la deuxième partie des musulmans fait face à l'ennemi. D'accord ? Le premier groupe se retire, rahmukallah, et remplace leur compagnon qui faisait face à l'ennemi. D'accord ? Le deuxième groupe qui était de garde priait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam une raka'a. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le teslim, il salua. D'accord ? Il a fait le teslim. Salama. Chaque groupe priait ensuite la raka'a qui lui manquait pour terminer leur prière. Pour faire combien ? Deux raka'a. D'accord ? Cette manière a été décrite dans le noble Coran, dans Surat Nisa, dans la traduction du sens des versets est « Et lorsque tu, Mohammed, te trouves parmi eux et que tu les diriges dans la salat, dans la prière, qu'un groupe d'entre eux se mette debout en ta compagnie en gardant leurs armes. » Puis lorsqu'ils ont terminé la prosternation, qu'ils passent derrière vous et que vient l'autre groupe, ceux qui n'ont pas encore célébré la salat, à ceux-ci alors d'accomplir la salat avec toi, prenant leurs précautions et leurs armes. Les mécréants aimeraient vous voir négliger vos armes et vos bagages afin de tomber sur vous en une seule masse. Vous ne commettez aucun péché si vous êtes incommodé par la pluie ou malade. Si incommodé par la pluie ou malade, vous déposez vos armes. Cependant, prenez garde. Certes, Allah a préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Donc, c'est les versets, la traduction du surat An-Nisa, verset 102. Et Cheikh il dit, des hadiths ont été rapportés avec plusieurs manières de prier en cas de peur. Les gens du hadith, ahlul hadith, prennent toute manière rapportée sur la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est-à-dire que les gens du hadith, toutes les manières qu'on a citées, qui sont rapportées dans les hadiths, ils les prennent toutes. Hein? D'accord? Ils prennent toutes les manières rapportées concernant la manière de prier du prophète, la prière de la peur. Mais à condition que la chaîne de transmission soit authentique. Sahafi Hassanat, comme il dit le cheikh ici. Le musulman peut prier de toutes ses manières en fonction de la situation lors du jihad. C'est pour ça que le cheikh a dit ça. D'accord? Et Cheikh l'Albani continue, rahimahullah, il dit wa kana sallallahu alayhi wa sallam yaqulu ma bayna al-mashriq wa al-maghrib qibla. On avait cité le hadith la dernière fois. Wa qala Jabir, on va peut-être d'abord traduire ça. Cheikh l'Albani donc il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit ce qui est entre le mashriq et le maghrib est une qibla. On va faire un peu de tahrij au niveau du hadith. Ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi. Dans le Sunan Tirmidhi, Ibn Majah, dans le Sunan Ibn Majah, numéro 1011 dans Sunan Ibn Majah, d'après Abu Huraira. Donc c'est un hadith de qui? Abu Huraira, radiallahu anhu, wa arda. Et le Sunan Tirmidhi, je vous la référence également, c'est 343-344. Il a été authentifié ce hadith par Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Évidemment qu'il a été authentifié, sinon il ne l'aurait pas ramené dans son livre. Mais je vous rapporte la référence où il est authentifié, c'est dans Irwa al-Ghalil, fi takhrij ahadith Manar al-Sabil. Irwa al-Ghalil qu'on connaît déjà bien parce qu'on le cite souvent, numéro 292-292. Alors, je vous ai pris, on ne va pas prendre l'explication de Cheikh Bouazmoun parce que je l'ai trouvé très longue et très technique. Et j'ai trouvé que l'explication de Cheikh Al-Albani lui-même, dans une des éditions de Sifat Salah, était beaucoup plus concise et beaucoup plus facile pour nous à comprendre. D'accord ? Donc on revient à quel... J'avais dit qu'on allait passer d'un livre à l'autre, qu'on allait faire le livre. Et là on rentre dans l'explication de Cheikh Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il explique ce hadith dans Asl Sifat Salah. Qui sait me dire c'est quoi Asl Sifat Salah? Quand le premier cours, j'ai parlé de toutes les éditions, de toutes les différentes éditions de Sifat Salah. C'est quoi Asl Sifat Salah? C'est l'édition complète, qui est la base, et qui est en trois volumes, en 1200 pages. D'accord? Et dans le volume 1, page 71, il explique cela, ce hadith-là, en rapportant la parole de l'imam al-Bayhaqi, qui dit, ce qui est entendu dans ce hadith, Wallahu a'lam, ce sont les gens de Médine. Parce que regardez, réfléchissez un peu, le prophète Hassan, il a dit, ce qui est entre le Mashriq et le Maghrib, c'est une Qibla. Mais de qui il parle? Et Cheikh Al-Uthaymeen, quand vous regardez dans Sharh Al-Mumti', il dit exactement la même chose. Il dit, il parle des gens de Médine. Pour eux, c'est une Qibla, c'est entre le Mashriq et le Maghrib. D'accord? Et ceux dont la Qibla est la même que les gens de Médine. C'est-à-dire entre le Mashriq et le Maghrib. Cheikh Al-Albani dit, rahimahullah, et cela s'applique à ceux qui sont au nord ou au sud par rapport à la Mecque. Tandis que ceux qui sont à l'est ou à l'ouest, leur Qibla est entre le nord et le sud. Et je pense que c'est une précision importante. Donc ça dépend de où on est, littéralement, d'accord? L'éminent savant As-Sanani, qui est l'amir As-Sanani, rahimahullah, celui qui a fait Sharh, Boulogh al-Maram, qui s'appelle Subul Salam. Et il dit justement dedans, dans Subul Salam, Sharh Boulogh al-Maram, tome 1, page 188, ce hadith est une preuve que ce qui est obligatoire, c'est la direction de la Kaaba, non la Kaaba elle-même, pour celui qui ne peut pas la voir de ses yeux. On avait déjà parlé de ça. Tandis que celui qui la voit, on a dit quoi? C'est de prendre la Kaaba elle-même comme Qibla. Cet avis est celui qui est suivi par un groupe de savants en raison de ce hadith. Cheikh Al-Albani, il continue dans son livre Sifat Salah, il dit wa qala Jabir radhiyallahu anhu kunna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi masiratin aw sariyah fa asabana ghaym fa taharrayna wa ikhtalafna fi al-qibla fa salla kullu rajulin minna ala hidah fa ja'ala ahaduna yakhuttu bayna yadayhi lin'lama amkinatana. فلما أصبحنا نظرناه فإذا نحن صلينا على غير القبلة فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة وقال قد أجزأت صلاتكم. Cheikh Al-Albani, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il dit Jabir radiallahu anhu arda, il dit nous étions avec le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم lors d'une expédition ou une marche, alors que nous fûmes touchés par un nuage, ghaym. On peut traduire ça par nuage, d'accord? Ce qui est important de savoir ici, c'est qu'ils ne pouvaient pas voir la Qibla. D'accord? Nous fîmes alors un effort pour trouver la Qibla et divergeâmes entre nous au sujet de la Qibla. Chacun pria, chacun de nous pria séparément et chacun traça un trait devant lui pour que l'on puisse connaître notre emplacement. Hein? Le lendemain, hein, il a dit Asbahna, Falamma Asbahna, nous observâmes que l'on avait prié dans une direction autre que la Qibla. Hmm? Nous rapportâmes cela au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui ne nous ordonna pas de recommencer la prière. Falam ya'murna, comme il a dit, falam ya'murna bil-i'ada. Il ne nous ordonna pas de recommencer la prière. Et il dit, votre prière est valide. Qad ajja'at salatukum. Le hadith, il est jugé par Hassan, par Cheikh l'Albani, rahimahullah, dans le premier volume de Al-Irwa, Irwa al-Ghalil. Alors, je vous ai pris également l'explication de Cheikh l'Albani lui-même de ce hadith, pour qu'on comprenne mieux. Cheikh l'Albani, rahimahullah, il dit, nous explique ce hadith dans Asl Sifat Salah, donc dans les trois volumes, et c'est toujours volume 1, page 74, 74, donc un peu plus loin que ce qu'on a vu précédemment, en rapportant la parole de l'imam al-Tirmidhi, hein, qui dit, c'est la vie suivie par la majorité des gens de science. Ils ont dit, c'est-à-dire qui les gens de science, si quelqu'un prie caché par un nuage dans une direction autre que la Qibla, et qu'il voit après sa prière qu'il n'a pas prié en direction de la Qibla, que sa prière est valide. Hmm? Et c'est la vie suivie par Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri parmi les imams du Salaf. Hein? Et Ibn al-Mubarak, Abdullah ibn al-Mubarak, qui est Ibn al-Mubarak? Le cheikh de l'imam Ahmed. Hmm? Et Ahmed et Ishaq. Cheikh l'Albani dit ensuite, hein, je dis, ce qui était rapporté de manière authentique du madhab Hanafi, comme dans Al-Hidaya, en opposition au madhab Shafi'i, hein, car la vie le plus juste chez eux, comme l'a dit le Nawawi, parce que Nawawi était Shafi'i, rahimahullah, hein, il dit, c'est qu'il faut recommencer la prière si on est sûr de l'erreur. C'est la vie de qui de madhab Shafi'i. Et c'est ce qui est indiqué par la parole de l'imam Shafi'i dans Al-Umm. Retenez ce mot-là, Al-Umm. Hein? La mère, la base. Et c'est un livre très connu de l'imam Shafi'i, c'est la référence de Shafi'iyya. C'est un livre de l'imam Shafi'i lui-même, Al-Umm, volume 1, page 82. Il a été édité, il est disponible actuellement. Cheikh al-Albani, qu'est-ce qu'il dit? Il a rapporté différents avis. Il dit, ce qui est juste, c'est l'avis suivi par les premiers. C'est-à-dire quoi? Qu'ils ne doivent pas refaire la prière. Hein? En raison des hadiths que nous avons cités justement. Et en raison du hadith des gens de Quba qui priaient en direction de Bayt al-Maqdis. Hein? Et le fait qu'ils se sont tournés vers la Kaaba, comme nous allons le voir prochainement, Inch'Allah. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette explication, c'est pour faire la transition pour le prochain hadith qu'on va voir, Inch'Allah. Hein? Et c'est la vie suivie également, encore une fois, par As-San'ani, l'Amir As-San'ani, rahimahullah, hein? Volume 1, page 187, et je suppose qu'il fait référence à, évidemment, Subul Salam, Sharh Bulugh al-Maram. D'accord? Et on retourne à Sifat Salah, et il dit... وكان صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه قبل أن تنزل هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام سورة البقرة من الآية 144 يعني 144 فما بعدها فلما نزلت استقبل الكعبة فبينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليل قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة ألا فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا واستدار إمامهم حتى استقبل بهم القبلة. Donc qu'est-ce que veut dire ce que Cheikh l'Albani nous rapporte ici, rahimahullah ta'ala? Cheikh l'Albani nous dit, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam priait en direction de Bayt al-Maqdis. On avait déjà dit ça dans le cours précédent. Alors qu'il était devant la Kaaba. Hein? Ou la Kaaba ben yadayhi. Avant que ce verset ne soit révélé, dont la traduction est, certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel, nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Surat al-Baqarah, verset 144, hein? Et Cheikh dit, wa ma ba'daha. Ou à partir de 144. Lorsque ce verset fut révélé, il se dirigea vers la Kaaba, alayhi salatu wassalam. Des gens à Quba, hein, et c'est où Quba? C'est pas loin de Médine, na'am. Hein, priaient la prière du Subh lorsque quelqu'un vint à eux et dit, du Coran a été révélé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wasallam, cette nuit. Il a été ordonné de se diriger vers la Kaaba. Dirigez-vous vers elle. Leur visage était alors vers le Sham, c'est-à-dire vers Bayt al-Maqdis. Hein? Ils se retournèrent et leur imam se retourna jusqu'à ce qu'ils se dirigent avec eux vers la Qibla. Hmm? شيخ بزمول ينوز اكسبليك سلا الكومنت يلدي هذا الحديث يبين أحوال استقبال القبلة في الصلاة، كما أن فيه دلالة على قبول خبر الواحد، إذ أهل المسجد في قباء قبلوا خبر الواحد فتحولوا أثناء الصلاة، كما أن فيه أن من قام بالواجب عليه أثناء الوقت فقد برئت ذمته ولا يلزمه إعادة. ألا ترى أن أهل قباء لم يلزموا بإعادة ما استقبلوا فيه بيت المقدس من الصلاة، إنما بنوا عليه، وفيه أن الحركة في الصلاة إذا كانت لحاجتها لا تضر. وقد لخص المصنف أحكم هذه الفصل في قوله إلى آخر الكلام إن شاء الله فدبخت خديق سباساج لا الشيخ بزمون الكمانت سحديث يلدي سحديث متان إفيدان سيكو الحديث سيغ كلفت كأهل القباء quand ils étaient en prière subh, ils se sont tournés lorsqu'un quelqu'un est venu leur prévenir que la qibla a changé. Naam. Les hadiths mettent en évidence les différentes situations dans l'orientation vers la qibla dans la prière. Il y a dans ce hadith également une preuve sur l'acceptation de l'information rapportée par une seule personne, ce qu'on appelle qaboul khabar al-wahid, hein, ou bien le pluriel ahad, d'accord, hein. Donc retenez cela, si on vous demande une preuve là-dessus, vous citez ce hadith-là, d'accord ? Car les gens de Quba ont accepté l'information d'un seul homme et se sont retournés pendant la prière. Il y a quelqu'un qui est venu, il leur a dit pendant qu'ils étaient à la prière, ils se sont retournés directement, pendant qu'ils priaient. Hein ? Il y a dans ce hadith également une preuve que celui qui s'est acquitté d'une obligation en son temps s'est dégagé de sa responsabilité et ne doit pas la refaire. Parce qu'en leur temps, le début de la prière, ils ont fait ce qui était obligatoire pour eux. C'était de se diriger vers Bayt al-Maqdis. Et quand ils ont le dalil, hein, du changement, et bien ils se sont changés. Et c'était une autre obligation. Ils se sont soumis également. Hein. Regardez, subhanallah, regardez les sahaba. Hein. Et ça, c'est une caractéristique des gens de la sunna. Yadouruna ma'a sunti haythu darat. Comme l'a dit l'imam Ahmed, ça me rappelle, hein, moi, en tout cas, personnellement, ça me rappelle une parole de l'imam Ahmed. Nadouru ma'a sunti haythu darat. On tourne avec la sunna là où elle tourne. Hein? Nous, on va avec dalil. Hein? On fait en fonction du dalil. On se soumet à Allah Azzawajal par le dalil. D'accord? Regardez, subhanallah. Un homme, il est venu, il a dit qu'il y avait une révélation, ils se sont tournés. Hein? Et donc, il ne doit pas la refaire. Et ne vois-tu donc pas que les gens de Quba n'ont pas dû refaire les prières qu'ils ont priées en direction d'Al-Bayt al-Maqdis? Et qu'ils se sont basés, le cheikh il a dit banaw alayha. Qu'est-ce que ça veut dire banaw alayha ou banaw alayha, hein? Le bina alayha, comment on comprend ça ici? Mais c'est qu'ils n'ont pas refait la partie de la prière ou les prières, hein, qu'ils avaient fait en direction de Bayt al-Maqdis. Hein? Ils sont retournés, ils ont terminé leur prière. Hein? Et c'est en tout cas comme ça que moi je l'ai compris. C'est-à-dire qu'ils se sont basés sur ce qu'ils avaient déjà prié et ont terminé leur prière sans recommencer ce qu'ils avaient déjà prié. C'est pour ça que Allah Alim Sheikh a dit banaw alayha. Il y a dans ce hadith la preuve également que les mouvements dans la prière pour une nécessité liée à la prière n'affectent pas la prière. Hein? D'accord? Cheikh Al-Albani rahimahullah, que lui fasse miséricorde, qui est d'ailleurs l'auteur du livre qu'on est en train de voir ici, a résumé ce chapitre dans son résumé de Sifat Salah. Donc vous voyez qu'on passe d'une édition à l'autre. On était dans le résumé en un volume. Hein, qui est celui qui a été édité aux éditions Maktabat al-Ma'arif en français, avec l'édition, avec la couverture en bleu. Hein. On avait déjà parlé, édité par, et traduit par Yaqub Lennon. Hein, et c'est l'édition que je recommande, qui est l'édition originale et qui a les droits. D'accord. Et on est passé ensuite aux trois volumes, édités par Maktabat al-Ma'arif également, de Cheikh Al-Albani. Et maintenant, on passe au Moulakhas, au Talkhis, Sifat Salah, hein, qui est le tout petit que je vous avais montré la dernière fois ici. D'accord. Et c'est le résumé de ce chapitre. Qui est quoi le chapitre qui concerne quoi? Istiqbal qibla. Donc ici, là, je vous demande de noter. Hein, je vous demande de noter et de bien faire attention. Il y a 5 points. C'est pas difficile à retenir. Et c'est un résumé parce qu'on a parlé de beaucoup de choses différentes pour, hein, garder les choses de manière synthétique dans notre tête, hein, dans notre esprit, et pas avoir de confusion, que ce soit clair. Parce qu'on parle de quelque chose d'important, c'est comme istiqbal qibla dans la prière. Vous me suivez, d'accord? Il dit istiqbal qibla. إذا je vais le rapporter en français après inchallah. إذا قمت أيها المسلم إلى الصلاة فاستقبل الكعبة حيث كنت في الفرض والنفل وهو ركن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها. Qu'est-ce que nous dit Cheikh Al-Albani رحمه الله? premier point, donc le résumé, première chose à retenir de ce chapitre-là, si tu te lèves, ô toi le musulman, pour prier, dirige-toi vers la Qibla où que tu sois. Bon, première chose, c'est qu'on doit se diriger vers la Qibla où que l'on soit. Dans la prière obligatoire et la prière surrogatoire, fil fardi wa nafl. Et c'est l'un des piliers de la prière sans lequel la prière n'est pas valide. Ça va, c'est assez facile, hein? D'accord? Je vous laisse noter, puis je répète. Je continue avec le deuxième point, Inch'Allah. Et ça, si vous me résumez ça, alhamdoulilah, dans votre tête, vous avez le résumé, vous me résumez quelques hadiths là, il n'y a pas beaucoup de hadiths cités. Et moi, je vous conseille, et je voudrais qu'on le fasse ensemble, hein, vous savez que j'aime la tariqa du hifd, hein, c'est qu'on mémorise sifat salat al-Nabi. Et au-delà de l'hamd, au bashirukum, je vous annonce la bonne nouvelle, pour vous motiver également, c'est que les livres qu'on a fait avant entre nous, il y a des frères qui les ont mémorisés par cœur ici. Les 21 hadiths qu'on les a fait, il y a des frères qui les ont mémorisés. Hein, shurut salat, il y a des frères qui les ont mémorisés. Hein? Au sol talata, il y a des frères ici qui les connaissent par cœur. D'accord, hein? Inch'Allah, que ce soit un manhaj entre nous, hein? Que quoi qu'on mémorise. Hein? Je ne vous interroge pas, pour, je ne vous fasse pas lever à la méthode Cheikh Mokbil pour vous mettre à l'aise. Hein? Je ne vais pas dire un tagoum. Hein? Hein? D'accord. Mais Inch'Allah, c'est une nasiha, ou din nasiha, comme on l'avait vu dans un des hadiths expliqués par Cheikh Rabbi Hafdahullah, dans les 21 hadiths, c'est que le hifd ma al-fahm. Hein? Si on a le fahm, c'est bien, mais si on n'a pas le hifd, on est faible. Après, on ne sait pas, hein, retenir les masaïl, on ne sait pas faire da'wa aux gens, d'accord, hein? D'accord. Et si on a le hifd sans le fahm, eh bien, on ne comprend pas les choses. On mémorise les choses, mais on ne les comprend pas. C'est le hifd ma'al fahm, comme dit Cheikh Al-Fawzan, hafdahullah. Le hifd ma'al fahm. La mémorisation avec la compréhension. Je vous assure que si on le fait doucement, vous voyez que c'est très résumé comme livre. Istiqbalu al-qibla wa kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On le mémorise comme ça, c'est assez facile, inshallah. D'accord. Deuxième point, ويسقط الاستقبال عن المحارب عفوا عن المحارب, parce que j'ai déjà en tête le, quand je vous ai rapporté une faïda sur l'atim après sur le maharib en fait, hein, ويسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد وعن العاجز عنه كالمريض أو من كان في السفينة أو السيارة أو الطيارة إذا خشي خروج الوقت وعمن كان يصلي نافلة أو وترا وهو يسير راكبا دابة أو غيرها ويستحب له إذا أمكن أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يتجه بها حيث كانت وجهته. Donc deuxième point, hein, se diriger vers la Qibla n'est pas obligatoire pour celui qui est en guerre, al-muharib. Hein? Dans la prière, dans la peur et le combat acharné. Et celui qui n'en a pas la capacité, comme le malade ou celui qui est sur un bateau, ou dans une voiture, ou un avion, hein? S'il a peur que l'heure de la prière passe. Donc pour tous ces gens-là, là, ce n'est pas quoi ? Obligatoire. D'accord ? De se diriger vers la Qibla. Et celui qui prie une prière surrogatoire ou le witr, qu'il soit sur une monture ou autre, hein ? Maintenant, en sachant cela, et il lui est préférable, yastahibbu lahu, de se diriger vers la Qibla, si c'est possible, lors de takbirat al-ihram. Donc il n'est pas obligé, mais c'est préférable pour lui dans takbir al-ihram. C'est quoi takbir al-ihram? C'est le premier takbir de la salah qui rend illicite certaines choses qui étaient licites pendant la prière. D'accord? Ça, on avait déjà vu, de nombreuses fois d'ailleurs, dans de nombreux cours qu'on a fait. D'accord? Et il dit le shir, hein? Il peut ensuite se diriger, quelle que soit la direction prise par sa monture. Donc il n'est pas obligé, toutes ces catégories de gens ne sont pas obligés, mais c'est mustahab pour eux de le faire lors de takbir al-ihram. Et ensuite, hein, quelle que soit la direction, hein, c'est pas un problème. D'accord, c'est ça qu'il faut retenir ici. Troisième point. Wa yajibu ala kulli man kana mushahidan lil Ka'bah an yastaqbila 'aynaha wa amma man kana ghayra mushahidin laha فيستقبل جهتها. ها؟ حكم الصلاة إلى غير الكعبة خطأ. Troisième point, il est obligatoire à toute personne ou pour toute personne qui voit la Kaaba, hein, qui voit de ses yeux la Kaaba, de se diriger dans la prière vers la Kaaba elle-même, Ayn al-Kaaba. Vous vous souvenez de la différence entre Jihad al-Kaaba, la direction de la Kaaba, et Ayn al-Kaaba, la Kaaba elle-même. Tandis que celui qui ne la voit pas, on avait déjà dit ça, se dirige, hein, ou s'oriente, si vous voulez, dans sa direction. Le fait de prier vers autre que la Kaaba est une erreur. Khata'un, il a dit le shir. Vous voyez, subhanallah, comme le shir a très bien résumé tout ce qu'on a dit ici. Ça remet les choses bien en place, dans l'esprit. Hein? Ou à l'esprit. Quatrième point. وَإِنْ صَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ لِغَيْمٍ أَوْ غَيْرِهِ بَعْدَ الْإِجْتِهَادِ وَالتَّحَرِّي جَازَتْ صَلَاتُهُ وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ. Quatrième point. Hein? Que c'est pour les frères qui sont sortis à un moment ici, vous pourrez prendre les notes de chez moi après, Inch'Allah, que si quelqu'un prie dans une autre direction que la Qibla, à cause d'un nuage ou autre, après avoir fait un effort, un ijtihad, un taharri, yataharra, hein, il fait l'effort, il cherche pour trouver la Qibla, eh bien sa prière est valide. Et il ne doit pas la recommencer, et ça c'était donc le quatrième point. Cinquième point. وإذا جاءه من يثق به وهو يصلي فأخبره بجهتها فعليه أن يبادر إلى استقبالها وصلاته صحيحة انتهى كلامه رحمه الله. Cinquième point résumé ici de Cheikh Al-Albani رحمه الله du chapitre sur le fait de se diriger vers la Qibla, istiqbal Qibla, Qibla, ou de s'orienter vers la Qibla. Le cinquième point, que si quelqu'un, hein, à qui il fait confiance, man yathiqu bihi, vient à lui, alors qu'il prie, et l'informe de la direction de la Qibla, il lui est obligatoire de se diriger vers elle rapidement, et sa prière est valide. An yubadira. Hein? Tu n'attends pas, on te le dit, hop, tu te retournes directement, et tu le fais, et tu te diriges vers la Qibla directement. D'accord? Et sa prière est valide. Quand vous avez fini de noter, il y a un frère, Jazallahu Khairan, il est venu chez moi jeudi et il m'a rappelé une chose que je vous avais promise, c'était les différentes manières, hein, si tu veux, on en avait parlé également, de voir la Qibla, de Cheikh Al-Uthaymeen. Jazallahu Khairan, hein, c'est notre frère Abu Adam.